Sois franc, mon Venceslas. Il y avait là Stidmann, Claude Vignon, Vernisset, qui encore? Enfin, tu t'es amusé. Moi, je ne pensais qu'à nos 10 000 francs, et je me disais, mon Hortense sera sans inquiétude. Cet interrogatoire fatiguait énormément le Livonien, et il saisit un moment de gaieté pour dire à Hortense, « Et toi, mon ange, qu'aurais-tu fait si ton artiste s'était trouvé coupable ?»« Moi, » dit-elle d'un petit air décidé, « j'aurais pris Stidmann, mais sans l'aimer, bien entendu. »« Hortense !» s'écria Steinbock en se levant avec brusquerie et par un mouvement théâtral. « Tu n'en aurais pas eu le temps, je t'aurais tué !» Hortense se jeta sur son mari, l'embrassa à l'étouffer, le couvrit de caresses et lui dit « Ah, tu m'aimes, Venceslas ! Va, je ne crains rien, mais plus de Marneff. Ne te plonge plus jamais dans de semblables bourbiers. Je te jure, ma chère Hortense, que je n'y retournerai que pour retirer mon billet. » Elle bouda, mais comme boudent les femmes aimantes qui veulent les bénéfices d'une bouderie.